rose rouge, rouge, rouge, rouge de printemps. Sur un blanc comme sage, sage, sage, sage de 20 ans, vient de fleurir au bord d'un champ de blé. Ce n'est qu'une enfant que l'amour fait rêver. Sur la route blanche, blanche, blanche, blanche ensoleillée, un nuage danse, danse, danse, danse au vent léger. C'est une troupe qui s'avance au pas vers le vieux village que l'on voit là-bas. C'est l'été et dans le ciel en fête, et d'où les cœurs sont légers, légers sous le soleil. C'est l'été qui fait perdre la tête, car aujourd'hui l'amour, l'amour est en éveil. Une rose rouge, une rose rouge, une rose rouge, rouge, rouge, rouge s'est donnée. Et le blanc corsage, sage, sage, sage a frissonné près du garçon qui ce beau soir d'été osa le premier sourire à sa beauté. Sous la lune blanche, blanche, blanche, blanche, un baiser, le temps d'une danse, danse, danse, danse fut osé. On lisait dans les yeux des autres regards le regret de ne pas être celui. La selle était et dans le ciel en fait, la nuit a fait briller, briller ses feux follets. C'est l'été qui fait perdre la tête, car aujourd'hui l'amour, l'amour s'est éveillé. Une rose rouge, une rose rouge, rouge, rouge, rouge s'est fanée. Et le blanc corsage, sage, sage, sage abandonné, et resté seul au bord du champ de blé. Ce n'est qu'une enfant que l'amour fait pleurer. Sur la route blanche, blanche, blanche, blanche et désolée, un nuage danse, danse, danse, danse au vent léger. C'est une troupe qui s'en va déjà, quittant le village que l'on voit là-bas. C'est l'été qui laisse solitaire un pauvre cœur blessé, blessé pensant tout bas. Qu'en été, un beau jour de lumière, peut-être que l'amour, l'amour lui reviendra.